Samedi à 21h sur Sorgia FM. Sorgia FM. Sorgia FM. Sorgia FM. Sorgia FM. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Samedi souvenir, ce soir c'est 80. Bonne soirée à tous, à tous et à tous. C'est Ludo qui vous emmène jusqu'à 23h. Sorgia FM. Ludo in the Mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgier FM. C'est une bonne soirée, c'est Ludo qui vous emmène jusqu'à 23h. Le mix de Ludo, vendredi, samedi, 21h, 23h. By Wolf, restons dans les années 80 et 87 précisément, avec AA. Avant c'était Kenny Loggins, le faiseur de tubes. Playing with the boys. Extrait de Top Gun. Ça devait être 89 ou 88, un truc comme ça. Pardon. Bonne soirée à vous. Quoi qu'il en soit, c'est Ludo qui vous emmène, et ça, c'est bien réel. On est bien en 2025, et c'est Ludo que vous écoutez. fossile interchangeable, un bikini insubmersible et une veste en simili véritable. C'est ma poupée, mon joujou préféré, 100% matière synthétique. C'est ma poupée, ma poupée psyché, ma poupée psyché. Elle a des yeux irrésistibles et un sourire inaltérable, un soutien-gorge indestructible et un slip inviolable. Elle a une gaine invisible, un rouge à lèvres imperméable, une paire de seins indescriptibles et une paire de jambes interminables. C'est ma poupée, mon joujou préféré, 100% matière synthétique. C'est ma poupée psyché, ma poupée psyché. Ludo in the mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur SorgiFM. SorgiFM. SorgiFM. SorgiFM. SorgiFM. SorgiFM. SorgiFM. SorgiFM. SorgiFM. SorgiFM. SorgiFM. SorgiFM. SorgiFM. SorgiFM. SorgiFM. We'll be right back.

Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Ludo in the mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur GFM. GFM. GFM. GFM. GFM. Vamos a la playa, oh oh oh oh. Vamos a la playa, oh oh oh oh. Vamos a la playa, oh oh oh oh. Vamos a la playa, oh oh. Vamos a la playa. Todos con sombrero. El viento radioactivo. Despeina los cabellos. Vendredi et le samedi à 21h sur GFM. Les plus grands sont là tous les samedis et vendredis soir. Alors les samedis, années 80 jusqu'à 23h. Le mix de Ludo. Vendredi, samedi, 21h, 23h et tout ça sur GFM et nulle part ailleurs. Souvenez-vous, Phil Collins. Oh, oh. Now she don't even know my name. What a thing she likes me just the same. So

Ludo in the mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. Le mix de Ludo. Oh, Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. De Ludo encore pour une heure. Et oui, on a encore une heure à passer ensemble. Souvenez-vous, Léopoldner et vous. Oh, moitié jean. Gemini, carbure pas au mazout. C'est extrêmement pop. Si t'es à jeun, tu tombes en syncope. Ça s'écoute, rue Fontaine, il y a foule pour les petits gars de Liverpool. Qui est in, qui est out, oh, qui est in, qui est out. J'ai fait impression dans le souvenir. Voici Michel Polnareff, Radio. Bonne soirée à vous, c'est Ludo jusqu'à 23h. Your skin, it lightens up my day. and that's also true. Together we are one, separated we are two. To make it all mine, all mine is my desire. Cause you contain a quality that I admire. To put it plain and simple, you rule my world, so try to understand. I'm in love, girl. I'm so in love, girl. I'm just in love, girl. And this is true. Girl, you know it's true. Oh, oh, oh, I love you. Yeah. as I kick up the treble tone. On my radio tape, play a box right. Just loud enough so folks can hear us hype. See, out of nowhere, comes a woman I'm dating. Investigation, maybe she was demonstrating. But nevertheless, I was pleased. My day was going great and my soul was at ease. Until a group of brothers started bugging out. Drinking the 40 ounce, going the nigger out. Disrespecting my black queen. Holding their crosses and being obscene. Cause see, I know the type. They got drunk, they got guns, and yes, they wanna fight. And they see a young couple having a time that's good. And the Eagles wanna test their brother's manhood. So they came to test me, cause of my heritage. And the loud, bright colors that I wear. I was a target, cause I'm a fashion misfit. And the outfit that I'm wearing, brother's dissonant. Well, I stay calm and pray the niggas leave me be. But they squeeze the parts of my date's anatomy. My lord, your brother's gonna drill me. Cause if I stop to hit this man, I'll have to kill me. Samedi à 21h sur désolé, je me suis trompé platine. Ça arrive. Tant pis. Hein. On va laisser comme ça. Et on va continuer comme ça. James. Je suis pas une bombe latine, une bombe platine, Nick Jet. déconner avec eux. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, Benny B et DJ Dedica. Ils nous arrivaient quelques années après leur premier single avec Do You Speak Martien. Ça faisait ça. Encore pour plus d'une demi-heure à passer ensemble. 21h, 23h, le mix de Ludo. Vendredi, samedi soir, sur Sarge FM et nulle part ailleurs. Captain Hollywood Project, More and More. Juste avant, c'était Bob Sinclair, World Hold On. Bonne soirée à vous. Love will not remain as long as you complain. track, it's me, you fix it. Prove my point, and I remix it. You're the A double L suppression, I got to get her to make the track flow better. That's why we central, now you know what's up. If I'm on a move, I can't stop. The beat is simple, but you can't refuse it. That's why I love music. Come on, baby. Yeah. In The Mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgier FM. Le mix de Ludo. You've done me wrong. Your time is up. You took a sip from the devil's cup. You broke my heart. There's no way back. Move right out of here, baby. Go on, pack your bags. Just who do you think you are? Stop acting like some kind of star. Just who do you think you are? C'est ça aussi le mix de Ludo, des souvenirs 90, 80, 90, comme ce soir. Des souvenirs dance aussi, comme ce soir. Souvenez-vous. Max, Getaway, 94. Madison Avenue, juste avant, avec Don't Call Me Baby. Pareil, 93, 94. Un truc comme ça. Start to swing a body while you listen to the music, jump up and party. Get away. passez une bonne soirée à l'écoute de Serge FM. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Mix de Ludo. 21h-23h comme tous les vendredis et samedis soirs. D'ici la bonne semaine à vous et bonne fin de week-end. Faites attention à vous si vous sortez et sortez couvert. Paquito, The Weeknd vidéo. We'll be right back. In the Mix, Ludo in the Mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM.